parti, donnez-moi. N'a pas oublié, c'est resté cicatrice. Malgré tout, moi pas beaucoup d'argent. Toi, compte à moi beaucoup, ma malanda yo. Tu m'as troublé, tu m'as rendu malade, morin. Ma coco, l'amour que toi tu donnais moi, n'a pas oublié, c'est resté cicatrice. Malgré tout, moi pas beaucoup d'argent. Toi compte à moi beaucoup, ma malanga yo. Tu m'as troublé, tu m'as rendu malade, morin. Oh morin, coco. Moi parti voyage. Voilà toi, oh, voilà moi, on a songé. Toi, y'a ma chérie, mi t'aime, la vie, son mi quitta. Allo, mi paie, mi qui, les lobes, ce qui va pire au coco. Moi, parti voyage, toi, va souci, oh, coco. Voilà toi, oh, voilà moi, on a songé. Mala chérie, mi te mala viso mi quita. Malo mi pe mi qui, le la basuki wa pio coco. Yaka yaka mama nga ina lingi yoe. Ilo bela ya bato koyo kate chérie. Mwa pa oublie, se reste cicatrice yo. c'est resté cicatrisé. Yata yata mama nga ina lingi yo eh. Ilobela ya bandoko yo take chéri. Moi pas oublié, c'est resté cicatrisé. Mama, Toya mama, mama leki, noki na mi boma, mama.